écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com et à la radio aussi à Ottawa CHO 89,1 FM, Yellowknife CVR 103,5 FM et Iqaluit, le CIFRET CFRT 107,3 FM. Je m'appelle Mathieu et je vais être avec vous pendant 60 minutes. Je vais vous faire jouer du punk, ska et du hardcore tout en français comme je fais tous les semaines. On a commencé avec du Rix, faire jouer du Rix parce que le groupe français, ça vient d'être annoncé que le groupe sera en concert au Canada au mois de novembre à Montréal et à Toronto. J'ai pas les détails pour le concert de Toronto, mais à Montréal, c'est le 26 novembre au Théâtre Berry avec le groupe Coxpirer, The Prowlers et Sexface. Devrait être assez bon, j'essaie de me rendre. Excellent groupe. Rick, si on joue à Toronto l'année passée, dans un petit bar, et là, ça va être dans une grande salle, alors tant mieux pour eux. Je continue l'émission avec un groupe. Ben, j'ai une bonne émission pour vous cette semaine. Je vais faire jouer un groupe que j'ai jamais, que je viens de découvrir ce matin. Le groupe s'appelle The Red Riding. C'est un groupe composé de au moins un ancien membre du groupe Yabasta. C'est comme du rock garage. Je vais jouer la chanson Dis-moi de l'album Condensateur Session. Je vais aussi faire un petit retour un peu plus tard sur le concert, un concert auquel j'ai assisté la semaine passée, ou en tout cas pas la semaine passée là, mais deux semaines passées, le show de Les 3-8, Action Sédition et Dissidence à Montréal. Je vais faire jouer du Dissidence un peu plus tard. Le concert était excellent. Si vous avez manqué ça, dommage pour vous. Là, c'était vraiment bon. Mais entre-temps, on va jouer un peu de Red Riding. Alors ça va aussi de Red Riding avec 10 mois de leur EP Condensateur Session ici à Sous Pression. L'air bizarre, j'étais gris et génial, et tout d'un coup. rejoindre la cohorte des vaincus. Leurs yeux balayaient le sang, le cerveau sous camisole. Hey, dis-moi, est-ce que je vais grandir? Hey, dis-moi, je me prépare au pire. Hey, dis-moi, je suis là en tout temps. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui nous attend? C'était du Acidic Park, de leur démo, le morceau « Je suis un punk ». Amnésie avant ça, de leur hippie « Rien de neuf », c'était le morceau « Rue des bâtards », du Crève-cœur avec le morceau de tambour battant « Sparta Kids ». Et on a commencé le bloc avec « The Red Riding », de leur hippie « Condensateur Session », c'était le morceau « Dis-moi ». Alors, je continue avec du Dissidence, un groupe qui a joué avec... avec Action Sédition et les 3-8 à Montréal le 28 juillet dernier. C'est pour souvent que je vois des concerts à Montréal, mais ça a vraiment valu la peine cette fois-ci. Le show des 3-8 et Action Sédition et Dissidence était excellent. Les trois groupes, c'était la première fois que j'entendais du Dissidence. J'étais pas déçu du tout. Le groupe a ouvert la soirée avec beaucoup d'énergie. Leur musique est vraiment bonne, ils sont vraiment à tête et ont heureusement un EP de 4 ou 5 titres que je vais faire jouer un morceau de leur EP. Là, je vais faire jouer le morceau Pas Brillant dans un instant. Action Sédition a donné un vraiment bon show aussi. Leur chanson live, beaucoup plus d'énergie que leur chanson enregistrée. Et ils ont joué quelques nouveaux morceaux. Leurs nouveaux morceaux sont beaucoup plus vite que leurs morceaux dans les disons, si on compare à leur premier album Rapport de Force, ces morceaux sont beaucoup plus vite, alors beaucoup plus d'énergie. J'ai hâte d'entendre les morceaux enregistrés. J'espère qu'ils vont les enregistrer à un moment donné. Et aussi les 3-8, des gars vraiment sympathiques, vraiment cool. C'était vraiment le fun de les rencontrer en personne et de boire une coupe de bière avec eux. Vraiment bon groupe, bonne énergie, bonne présence sur scène, la musique était vraiment solide et on jouait une couple de nouveaux morceaux et c'était vraiment bon. Vous allez aimer ça une fois qu'ils vont enregistrer ça. Je pense que je sais pas s'ils se préparent de quoi, un repeat ou quelque chose là, mais j'imagine que oui un jour, mais en tout cas ça va être excellent. Alors c'est ça, j'ai ma petite critique, mon petit retour sur le concert. Je vais jouer du Dissidence, de leur repeat, le morceau Pas Brillant, ici à Sous Pression. Je suis parmi eux, je fais ce qu'on veut dire. Ils ont censuré mon identité. C'était les 3-8 avec le morceau Nos Valeurs, retiré de leur album éponyme sorti au mois de novembre l'année passée, 2015. Les Ordures Ioniques avant ça, de leur hippie Kick la Cacane, aussi sorti en 2015, c'était le morceau Champion de l'évolution. Et on a commencé le bloc avec du Dissidence de leur hippie éponyme, sorti un peu plus tôt cette année. Le morceau s'appelle Pour Brillant. Alors, c'est mi-chemin de l'émission. Si vous écoutez à la radio, si vous êtes old school, vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com pour visiter le site web de l'émission, voir les chansons qu'on fait jouer à chaque semaine, si vous voulez écouter ou réécouter l'émission à toutes les semaines, c'est ce site-là que vous devez aller visiter, souspressionpunk.com. Si vous êtes sur Facebook, allez checker facebook.com/souspression, cliquez j'aime et vous allez pouvoir suivre l'émission. Et bien sûr, si vous voulez m'envoyer un message en direct, ben vous pouvez le faire à partir du site web et à partir du Facebook, mais aussi par courriel info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Demande spéciale, commentaire. Si vous avez de la musique que vous voulez partager, allez-y fort, envoyez-moi un message. Ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors c'est ça, on continue maintenant avec la deuxième moitié de l'émission. Je commence la deuxième moitié, comme à chaque semaine, avec le bloc sono mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Je vous fais jouer cette semaine un groupe que j'ai déjà fait jouer, le groupe italien Bull Brigade. Je vais faire jouer deux des trois morceaux tirés de leur split avec Action Sédition. J'ai eu la chance de me l'acheter en fin de semaine, en tout cas la fin de semaine passée avec... où il y a deux semaines au concert d'Action Sédition et les 3-8 et Dissidence. Alors, vraiment bon split. Si vous avez la chance de vous l'acheter, allez-y fort. Je vais jouer les deux morceaux en italien. Ils ont bien sûr une reprise de Brigada Flores Magón. Ils font une reprise de la chanson Pour ma classe. Je vais jouer les deux morceaux en italien sur ce split-là. Le morceau Motor City et Perdotto Amore. La voici du Bull Brigade à sous pression. vile cena per questa realtà. Scommettando tra i problemi, resti fiera ai nostri schemi. Salvarti da questa vita in cui tutto non va, e mille notti senza addormentarti guarire ancora la nostra città. Entra nel branco, cancella gli stenti, resta con noi prigionieri di un sogno che non odi così. Molto senti pazzeschi. c'était Beau Brigade avec Perdotto Amore et Motor City. Voici maintenant Asile, groupe qui sera en concert avec Oi Polloi le 16 octobre prochain à Ottawa. Voici le morceau Nulle part. We'll be right back. ci si crede, c'è poi un sei minuto. C'est cool, écoute, c'est un bon problème. Fox, like a devil. J'ai de la job en masse, j'ai pas à me plaindre. Tu travailles trop. Le temps me fait défaut. Tu travailles trop. Je sers moi-même les dos. Tu travailles trop. Je suis mon seul bourreau. Et là, ça les brûle en stéréo. Trenteur de fête, trenteur de plus d'un punch. Force à la dépose. 40 de fête, j'ai skippé l'heure du lunch. Force à la dépose. Mais t'inquiète, chérie, t'es sur ma to-do list. C'est promis, je t'appelle dès que le temps est propice. Tu travailles trop. Le temps me fait défaut. Tu travailles trop. Je sers moi-même les dos. Tu travailles trop. Je suis mon seul bourreau. Tu travailles trop. Il faut ce qu'il faut. Et là, j'enlève le brûle en stéréo. Je constate le vide de mon existence. Fait que je me fends le cul en quatre. Il faut juste pas que j'y pense. Dès que j'arrête, faut que je fasse. Je me laisse aucune chance. Plus qu'au plus ça me rattrape. Ça devient un peu intense. Plus vite il faut que je m'échappe. Tu travailles trop. Je sers moi-même les dos. Tu rien à négocier. C'était du Hors Contrôle de leur plus récent album Vaut Rien, le morceau Ni Oubli Ni Pardon. Avant ça, j'ai fait jouer du Abemus Papam du EP Tendre Loju. C'était le morceau Tendre Loju. Abemus Papam, c'est pas la première fois que j'ai fait jouer à l'émission. Un très bon groupe. J'en ai eu la chance de j'ai jasé un peu avec un des membres de Les 3-8. On a parlé un peu d'Abemus Papam. J'ai dit que j'aimais ça, puis j'avais fait penser, ça fait longtemps que j'ai fait jouer du Abemus Papam en onde, alors le voici. Du Charlie Foxtrot avant ça, avec le morceau Brûler la chandelle de l'album La Mèche Courte. Du Camera Silence avant ça, avec le morceau Est-Ouest de leur album Réalité. Camera Silence, un groupe fort du Oise Punk français des années 80, vraiment un groupe légendaire. Et on a commencé avec du Asile de leur démo, le morceau Nulle Part, et le groupe Asile, comme j'ai dit tout à l'heure, sera en concert avec Oi Polloi à Ottawa le 16 octobre prochain avec le groupe L'Animal Méchant. Je connais pas le groupe L'Animal Méchant, j'ai jamais entendu, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. J'ai l'intention d'aller au show de Doi Poloi, alors on verra, je suis certain que je vais pouvoir les voir. Mais si jamais ils sortent de quoi avant ce temps-là, puis c'est bon, puis ça fit un peu dans le mandat de l'émission, je vais en faire passer. Peu importe, je suis certain que ça sera un bon show. Doi Poloi, vieux groupe de punk, d'anarcho-punk écossais. Alors là, je vais vous laisser avec un dernier morceau. C'est un morceau de Syndrome 81. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Le groupe a sorti deux singles, deux morceaux. Un, c'est du Syndrome 81, comme vous connaissez, un peu du hardcore punk avec une touche de oi. Ce deuxième morceau, Pulsion électrique, c'est un morceau un peu plus. Comment dire ça? C'est carrément un peu new wave, post-punk, cold wave, vraiment influence. En tout cas, vous allez l'entendre, c'est très différent, mais je veux vous la faire jouer. C'est quand même une chanson intéressante, je pense que vous allez peut-être aimer ça. Alors, je vous laisse avec ça, Syndrome 81, leur morceau Pulsion électrique, ici à sous pression. Passez une bonne semaine.